الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله لقد جاء الإسلام لإصلاح البلاد والعباد هذا الدين دين الله رب العالمين يدعو إلى كل خير ويحذر من الشر كله ومن الأمور المفسدة المدمرة للأخلاق الغضب الغضب يا عباد الله خلق ذمه الإسلام خلق نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية له جامعة للخير جامعة للخير من جوامع الكلم جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني يا رسول الله أوصني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله فإذا الغضب يجمع الشر كله فخذوا أيها المسلمون بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك الغضب لأن الغضب يا عباد الله يجر صاحبه إلى ترك التقوى بالتلفظ بالأقوال غير السديدة الغضب يجر صاحبه إلى الجنون وفقد عقله الغضب يا عباد الله يجر صاحبه إلى ترك الحكمة وإلى التصرفات الهوجة والأعمال الشنيعة وإذا زال عنه الغضب ندم غاية الندم لذا قال بعض العارفين الغضب أوله جنون ونهايته الندم الغضب أوله جنون ونهايته الندم انظروا إلى حال الكثير منا إذا ما غضب تقول له اتق الله يا عبد الله احفظ لسانك لكن كأنه مجنون كأنه صار مجنونا لشدة غضبه لا يفقه ما تقول ولا يسمع ولا يطيع لأن الغضب يجر صاحبه إلى فقد عقله وتقواه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولأجل ذلك يدعو الإسلام إلى ترك الغضب والتحلي بالحلم والصبر. ومعنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي اجتنب الأسباب الموصلة إلى الغضب، اجتنب أسباب الغضب، ودرب نفسك على الأخلاق الفضيلة كالحلم والصبر وحفظ اللسان. هذا معنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما غضب الإنسان عليه أن يملك نفسه، عليه أن يملك نفسه ولا يطيع شيطانه ولا هواه ولا نفسه. واعلم أن الرجل القوي التقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. إذن عاقبة الندم أو عفوا إذن عاقبة الغضب هو الندم، عاقبة الغضب سيئة. كثير من الذنوب والعظائم سببها الغضب: قتل النفس، الغيبة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم. وكم من الرجال طلقوا أزواجهم فإذا ذهب عنهم الغضب حزنوا عليهم حزنا شديدا، فضيعوا الأولاد والأسر وفرقوا بين الأحبة. كل ذلك يا عباد الله بسبب الغضب. وهنا سؤال مهم جدا، وهو كيف نتعامل عند وجود الغضب. أولا، يتعوذ الشخص بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان ابن سرد أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قد احمر وجهه. انظروا آثار الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: إني لست بمجنون، إني لست بمجنون، لأنه كان مغضبا. رواه البخاري ومسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين عظيمين: الأمر الأول يتعلق باللسان والثاني بالأعمال. الأمر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا إرشاد نبوي. في حالة الغضب امسك لسانك، لا تتكلم، احفظ لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غضب أحدكم فليسكت، فليسكت. أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. وفي رواية أخرى قاله ثلاثا: احفظ لسانك يا عبد الله عند الغضب، فإلا ستندم ولا بد. والإرشاد والأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب فإلا اضطجع. رواه أبو داود وأحمد بإسناد حسن. فعلينا يا عباد الله أن نتخلق بالأخلاق الإسلامية، وأن نحدد الغضب بالحدود الشرعية. فأكثر المعاصي وأبواب الشر بسبب الغضب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أخلاقنا وأن يوفقنا إلى كل خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بكتاب ربنا وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد L'islam est venu pour refermer les personnes ainsi que les pays. Cette religion est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a aucun manquement et n'a aucun défaut. Cette religion est parfaite et c'est pour cela qu'elle nous appelle vers les nobles, vers les meilleurs caractères, les caractères les plus nobles et les plus parfaits. Cette religion nous met en garde contre tout défaut et contre l'ensemble des manquements dans notre comportement. Et parmi les choses qui affectent le comportement de la personne et qui nuisent à son bon quoi, à ses bons caractères, il y a la colère. Il y a la colère, le fait de se mettre en colère et de s'énerver. Et c'est pour cela que dans une grande recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été cité dans le hadith d'Abu Huraira, un homme est venu le voir. Et lui a dit, ô messager d'Allah, fais-moi des recommandations, conseille-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ne t'énerve pas. Alors l'homme a réitéré sa question, ô messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ne t'énerve pas. Et l'homme, à chaque fois qu'il reprenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il répétait sa question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait la même réponse, ne t'énerve pas. L'homme voulait un conseil plus général, et il pensait que le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rapportait et ne se rattachait qu'à une partie de son islam. Mais comme cela est venu dans une autre version, la version de l'imam Ahmed, cet homme a dit, par la suite j'ai médité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis rendu compte que la colère et le fait de s'énerver, il y avait dans cela tout le mal. Le fait de se mettre en colère, ça englobe tout le mal et ça pousse vers l'ensemble des péchés. Donc nous devons appliquer la recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le meilleur conseiller, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous enseigner sa religion. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici de délaisser la colère? Car lorsque la personne est en colère, elle délaisse la piété. Elle délaisse la piété. Elle perd la raison. Elle perd la sagesse. La colère va le pousser à agir d'une manière qu'il n'aurait pas agréé en temps normal. La colère va le pousser à proférer de mauvaises paroles. La colère va le pousser à insulter les gens qu'il aime. La colère va le pousser à être injuste. La colère va le pousser à utiliser ses membres dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cette colère va redescendre, et lorsque cette colère va s'estomper, quel sera le résultat? La personne aura beaucoup nui, elle regrettera énormément. Mais cela sera trop tard, car elle aura déjà agi, elle aura déjà parlé et pris énormément de péchés. Voici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « La tardab, ne te mets pas en colère ». Certaines personnes ont dit « Le début de la colère est la perte de la raison ». Lorsque la personne commence à se mettre en colère, c'est comme si elle devenait folle et perdait la raison. Et la finalité de la colère, c'est le regret. C'est le regret. Demande à ceux qui ont levé la main sur les personnes de leur famille. Demande à ceux qui ont frappé leurs épouses injustement parce qu'ils étaient en colère. Demande à ceux qui ont frappé leurs enfants jusqu'à leur casser des membres et les emmener à l'hôpital. Demande à ceux qui ont commis des crimes. Tout cela à cause de la colère. Et la finalité, demande-le, ils regrettent. Ils aimeraient revenir en arrière pour se maîtriser lors de cette colère, mais c'est trop tard. Donc la colère pousse la personne à nuire à elle-même et à ses proches en premier. La plupart des péchés ne sont que le fruit de la colère. La plupart des péchés ne sont que le fruit de la colère. Voici pourquoi l'islam nous met en garde contre la colère et nous appelle à adopter de nobles caractères, comme le fait de prendre du recul lorsque nous sommes énervés, comme la patience et le fait de retenir sa langue. Quel est le sens du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tarbab, ne te mets pas en colère. Le sens de sa parole, premièrement, est éloigne-toi des causes qui t'emmènent à la colère. Éloigne-toi des causes qui te poussent à t'énerver. Deuxièmement, tu dois prendre l'habitude d'avoir de nobles caractères, un bon comportement. Celui qui a l'habitude d'être patient, celui qui a l'habitude d'être doux, celui qui a l'habitude de dire de bonnes paroles et de, retenir sa langue lorsqu'il est en colère, tu verras qu'il aura plus de facilité à se maîtriser. Tu verras qu'il aura plus de facilité à se maîtriser car il a pris cette habitude. Par contre, celui qui a l'habitude de se laisser aller et d'obéir à ses passions, tu verras qu'il n'arrivera pas à se contrôler lorsque la colère se présentera à lui. Donc, aussi, lorsque la personne sent la colère venir, elle doit se contrôler. Elle doit se maîtriser. Et c'est dans cela qu'il y a la force de l'homme et du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le plus fort est celui qui arrive à se maîtriser lorsqu'il est en colère. Celui qui arrive à se maîtriser lorsqu'il est en colère, voici celui qui est fort dans notre religion. Ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. On comprend de cela que la finalité de la colère est le regret et les péchés. Et comme j'ai cité, la plupart des péchés ne sont que le fruit de la colère. Ceux qui ont tué, ils ont tué car ils étaient en colère. Ceux qui parlent sur leurs frères, parlent sur leurs frères en mal car ils sont en colère. Ceux qui se comportent mal envers leurs parents, ils se comportent mal envers leurs parents, wal'iyadu billah, car ils sont en colère contre eux. Ceux qui battent leurs enfants injustement, ils font cela car ils sont en colère contre eux. Et on pourrait citer une centaine d'actions dont la cause première est la colère. Questionnez ceux qui ont divorcé leurs épouses, ceux qui se sont séparés de leurs enfants, ceux qui ont divisé leur famille, ceux qui ont séparé entre les bien-aimés. Quelle était la cause première? Al-ghadab, c'est la colère. Combien de personnes ont divorcé leur épouse après une grande colère? Et lorsque tu les questionnes, tu vois qu'ils sont tristes, tu vois qu'ils regrettent. Pourquoi cela, chers frères? Car ils n'ont pas mis en pratique la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a dans ce hadith. La tarbab, ne te mets pas en colère. Et ici une question très importante qu'on doit se poser. Comment devons-nous nous comporter lorsque la colère se présente à nous? Premièrement, on doit chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander l'aide, rechercher l'aide auprès de lui. Il y a deux hommes qui se sont disputés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un a insulté l'autre et était énormément énervé, au point où son visage est devenu tout rouge. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une parole, s'il l'avait prononcée, tout ce qu'il ressent serait parti. Toute sa colère serait partie. Cette parole c'est quoi? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voici le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu es en colère. Dis, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je recherche protection auprès d'Allah contre le diable lapidé. Ensuite, les compagnons sont partis voir cet homme et lui ont dit, n'as-tu pas entendu le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et l'homme était tellement énervé qu'il a répondu, est-ce que tu vois que je suis fou? Est-ce que tu penses que j'ai perdu la raison pour dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim? Regardez les effets de la colère. Les effets de la colère l'ont poussé à ne pas prendre en compte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas volontairement. Mais cela car lorsque la personne est en colère, elle n'entend pas le conseil. Ensuite, parmi les comportements adoptés lors de la colère, il y a deux choses. Une chose qui concerne la langue et une chose qui concerne les membres. La chose qui concerne la langue, c'est de la retenir. Ibn Abbas nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, enseignez et facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Et lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Voici le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et médite sur la situation de la plupart d'entre nous lorsque la colère vient à lui. Est-ce qu'il retient sa langue? Est-ce qu'il se tait? Ou est-ce qu'il obéit à ses passions et obéit à son shaitan? Est-ce qu'il obéit aux insufflations du shaitan? Ou bien est-ce qu'il suit le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc mettez en pratique ce conseil, chers frères, et ainsi vous éviterez de nombreux regrets. Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Le deuxième conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans un autre hadith, le hadith de Abi Dharr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un d'entre vous se met en colère, s'il est debout, qu'il se mette en position assise. Lorsque tu es debout et que tu sens la colère monter, ou lorsque tu es en colère, assis-toi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et si la colère ne part pas, qu'il s'allonge sur le côté. Qu'il s'allonge sur le côté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas obéir au shaytan. Parce que lorsque tu es debout, le shaytan va venir pour t'insuffler de mauvais conseils. Et va te dire: tu n'es pas un homme. Tu ne lui réponds pas. Il t'a insulté. Il t'a dit, il t'a fait. Et toi, tu te tais. Les gens vont penser que tu es faible. Et il t'insuffle toutes ces mauvaises paroles sataniques. Mais toi, tu dois te souvenir du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assis-toi. Retiens ta langue. Retiens tes membres. Sinon, tu regretteras. Et celui qui met en pratique le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prend l'habitude de mettre cela en pratique, il sera heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il aura préservé ses membres et sa langue et son mal des musulmans. Et voici la description du musulman qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, c'est celui dont les musulmans ont été à l'abri de sa langue et de ses mains. Parmi les conseils qu'on doit mettre en application lorsque la colère nous vient, c'est le fait de méditer, de se rappeler les grandes récompenses qu'Allah a préparées pour les patients et pour ceux qui se contiennent, pour ceux qui se contiennent lorsqu'ils sont en colère. Allah les joint au nombre des bienfaisants. Allah leur accorde le paradis. Allah leur donne une place particulière au paradis. Parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr, lorsqu'il lui a dit: Ya Rasulallah, donne-moi un conseil qui me fera entrer au paradis. Il lui a répondu: La tardab, ne te mets pas en colère. Donc celui qui se retient, qui ne met pas en pratique ce que Shaytan lui insuffle, il fera partie bi-idhnillah des gens du paradis. Il fera partie bi-idhnillah des gens du paradis. Allah dit dans le Coran: Wadhkur rabbaka idha nasit. Et rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Ikrima a dit dans le tafsir, yani idha ghadib. C'est-à-dire lorsque tu te mets en colère, rappelle-toi d'Allah. Donc le conseil suivant, c'est le fait d'invoquer Allah. Lorsque tu es en colère, invoque Allah, fais du zikr. Lis le Coran, dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dis subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et l'ensemble des bonnes paroles qu'Allah aime et agrée, et tu verras qu'il dissipera ta colère. Aussi, médite sur la finalité de la colère. Rappelle-toi que c'est la cause des maladies. C'est la cause de la tension. Certaines personnes ont de la tension et des maladies du cœur à cause de leur colère qui est récurrente. Rappelle-toi le bon conseil lorsque tu es en colère et accepte le conseil. Écoute lorsque tu es en colère, lorsque quelqu'un vient te conseiller et te dit arrête et te dit crains Allah. Écoute, n'écoute pas ton shaitan, écoute ton conseiller qui t'aime pour Allah et qui veut ton bien. N'écoute pas les insufflations du shaitan. Aussi, parmi les choses qui vont t'aider à délaisser la colère, c'est le fait de penser à l'image que tu reflètes lorsque tu es en colère. Lorsque tu es en colère, les gens te regardent et ne t'aiment pas. Lorsque tu es en colère, les gens te détestent. Lorsque tu es en colère, les gens n'aiment pas t'avoir dans leur compagnie et dans leur voisinage, car ils ont peur que tu leur apportes des nuisances. Lorsque tu es en colère, tu sors du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de toute personne pieuse. Donc tout cela doit nous aider à nous retenir lors de la colère. Et sachez que le musulman, il ne met pas en colère son frère. il ne met pas en colère son frère, car il sait que la colère du musulman peut être une cause pour qu'Allah se mette en colère contre toi. Abu Bakr radiallahu anhu avait un jour Bilal, Suhaib et Salman al-Farisi, qui eux ont vu Abu Sufyan. Et ils ont fait une remarque dont le sens rapproché est « L'épée d'Allah n'a pas encore fini avec le coup de son ennemi. » En parlant de Abu Sufyan, radiallahu anhu, alors qu'il n'était pas encore musulman. Alors Abu Bakr leur a dit « Vous osez parler comme ça au chef de Quraysh ?» Ensuite il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a raconté cette histoire. Il lui a raconté cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Abu Bakr, la'allaka aghdabtahum. » Ô Abu Bakr, peut-être que tu as été la cause de leur colère. Peut-être que tu les as mis en colère. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu les as mis en colère, tu as mis en colère ton Seigneur. Si tu as mis en colère tes frères, tu as mis en colère ton Seigneur. Alors Abu Bakr radiallahu anhu est parti les voir. Fa'atahum Abu Bakr faqala ya ikhwata aghadabtukum qalu yaghfirullahu laka ya akhi. Abu Bakr s'est précipité et parti les voir et leur a dit oh mes frères, est-ce que je vous ai mis en colère? Alors ils lui ont dit qu'Allah te pardonne oh mon frère. En gros, on n'a rien dans notre cœur contre toi ya Abu Bakr. Regardez la modestie de Abu Bakr. Il a eu peur d'Allah Azza wa Jal. Il est parti voir ses frères et leur a demandé pardon. Ils lui ont dit tu nous as pas fait de mal. Donc voici le comportement qu'il doit y avoir entre nous. On doit se retenir, on doit contenir notre colère. On ne doit pas être la cause de troubles, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit dans le commerce ou que ce soit à la mosquée. Et pour conclure, sachez que nous avons parlé ici de la colère qui est blâmable dans l'islam. Mais il y a une autre colère qui est louable. C'est la colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se mettre en colère lorsque les limites d'Allah sont outrepassées, sont dépassées, ne sont pas respectées. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose de se mettre en colère. Lorsqu'on voit les gens se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se met en colère et notre récompense se trouve chez Allah. Lorsqu'on voit les gens désobéir Allah, on se met en colère et notre récompense est chez Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuhadhiba akhlaqana wa an yahdiyana ila ahsanil akhlaq fala yahdi ilayha illa hu. Allahumma ahfadhna min sayyi al-akhlaq fala yahfadhuha min sayyiha illa ant. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allah, I am the Lord.